comme un policier enquêtant pour un crime qui fouille l'indice en suivant sa pensée. Je cherche le souffle et je guette la rime. Je cerne la phrase et questionne l'idée. Je traque le mot, construis la métrique et passe à tabac mon inspiration. Puis mets les menottes à la phonétique pour essayer de faire une chanson. Comme un souteneur qui joue sur sa chance, en frappant l'accord, j'effraie mon piano et fais leur affaire aux réminiscences et claque la note et bat le tempo pour faire chanter une mélodie. Je place un point d'orgue et change le ton, puis je fais ma basse enfin sur l'harmonie pour essayer de faire une chanson. Comme un procureur tenace et implacable, j'attaque à huis clos cette œuvrette de rien. Et puis avocat qui plaide non coupable, je joue sur les mots en m'aidant du refrain. Je mets tout mon art dans ma plaidoirie, et quand libre enfin, tous deux ils s'en vont, le mot et la note s'unissent à vie pour essayer de faire une chanson.